parlais, il répondait. Donc, c'est quelqu'un que s'il y a le feu sur ton habit, il est brûlé. On dit que quoi? On a dit que le feu va nous brûler, c'est l'enfer. Parce que le feu, s'il fait attention, il fait pas attention, le feu va brûler mon habit, ça va pouvoir consommer. Parce qu'il y a l'habit sur ton habit, quelle est la réaction? Il va enlever ça à toute vitesse. Pas vrai? Mais ils ont écrit une chose là-bas. Ils envoient mettre sur le maître, ma mère va te dire, ah bon? Mais vraiment, ma mère va te dire, les gens nous pasteur, dis-nous. Et là, ça suit elle. C'est grave, maman, les mèches, c'est grave. C'est grave, pas vrai? Titre 1, verset. Non, on va dire, on va revenir du verset 14 parce que c'est prévu. Puisque j'ai dit, on va parler dans la lancée, on va aller dans le Nouveau Testament. D'accord, frère, merci. Donc, chapitre 1, on va prendre le verset 13 jusqu'au verset 15, là, justement. D'accord, frère? On va y revenir. Parce qu'il faut qu'on touche dans l'Ancien Testament, il faut qu'on voit dans le Nouveau Testament, il faut toucher. D'accord?